serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez. Fait les cieux et la terre.